La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Depuis 10 jours à présent, nous cherchons à donner la couleur d'il y a 100 ans à ce début de décennie 2020, une couleur qui pourrait être dorée sur un fond laqué en noir, la couleur, en somme, des années folles. Elles ont été des années de renaissance, de libération, de changement dans les mœurs. Elles ont été aussi marquées par les arts décoratifs et teintées d'un certain goût du luxe. Ainsi, Jacques Rigaud a-t-il épousé une milliardaire, Man Ray a photographié la mode, Fujita a décoré les tables des fumoirs de première classe du paquebot Normandie. Quant à Chanel, elle a tout simplement redéfini la notion de luxe. On pourrait citer d'autres noms de ces années 20 qui ont cultivé la même veine, comme par exemple Jean Cocteau ou Paul Morand, mais ils reviennent d'eux-mêmes dans nos émissions, car ce fut aussi leurs années, brillantes et frivoles, de fêtes passées sur un volcan. En ce début de semaine, nous avons parlé de Fujita. Lundi, c'était avec Sylvie Buisson qui nous a raconté la vie du peintre japonais. Et puis hier, avec Anne Lediberder qui est revenue plus en détail encore sur l'œuvre de ce déraciné aux multiples racines. Et aujourd'hui ? Je suis romanesque comme personne, vous comprenez ? Je suis plutôt sentimental qu'autre chose, c'est ce que personne ne croit. Ce qui est bien pour, commode pour moi, parce que je peux juger tout le monde, parce que tout le monde me parle comme si j'étais un dragon. Vous comprenez, un tigre qui va vous sauter dessus, qui va vous manger. Je suis la personne la plus timide que vous avez rencontrée de votre existence, j'en suis sûr. Avoir acquis avec la vie un peu de façon pour se conduire, ne pas aller se cacher derrière les chaises pour ne pas parler, j'en suis pas là. Alors on vous dira que je suis quelqu'un qui a du toupet, que rien ne m'étonne, que je parle, que je... C'est pas vrai. Je parle par timidité les trois quarts du temps. Eh bien aujourd'hui pour raconter la vie de Gabrielle Chanel, tellement timide qu'elle pouvait en devenir irritable. Nous sommes avec vous Isabelle Fimeyer, bonjour. Bonjour. Vous avez publié 3 livres sur Chanel, Coco Chanel, un parfum de mystère chez Payot en 1999, mais aussi Chanel Intime et Chanel l'énigme aux éditions Flammarion, respectivement en 2011 et en 2016. Et pourtant Coco Chanel redoutait les biographies, écrivez-vous, et elle avait de toute façon décidé de réinventer sa vie. Oui, elle n'était pas du tout contente d'ailleurs des biographies qu'elle avait vues de son vivant, c'est-à-dire Louise de Villemorin, Morand. Il y avait le livre de Morand. Le fameux livre de Morand. Peut-être qu'elle l'aimait quand même bien ce oui, portrait. Oui, elle avait de l'affection pour Morand, bien sûr, et on entend la voix de Chanel dans le livre de Morand, mais elle raconte ce qu'elle a envie de raconter, parce qu'en fait, ce qui est vraiment passionnant chez Coco Chanel, c'est qu'elle a fait de sa vie un récit. Ses proches eux-mêmes ne connaissaient pas la vérité Chanel, et seuls quelques intimes, quelques privilégiés se rendaient compte de qui elle était vraiment. Et effectivement, je rebondis sur la jolie citation du début, elle était effectivement quelqu'un de réservé, de pudique, et pas du tout ce monstre qu'on a voulu faire d'elle, et ça les intimes le savent. Donc elle dit vrai quand elle dit qu'elle est timide, finalement son agressivité serait de la timidité déguisée. Alors son agressivité, c'est aussi parce que c'est un bourreau de travail. Toute sa vie, ça a été un bourreau de travail, et elle ne concevait pas qu'on ne travaille pas avec 39 de fièvre comme elle le faisait elle-même. Elle se lamentait quand le dimanche arrivait parce qu'elle aurait voulu travailler. D'ailleurs, elle est morte un dimanche. Elle était ravie d'être morte un dimanche. Je viens de faire un lapsus parce que j'ai beaucoup d'attachement pour le personnage. Donc, au lieu de dire mort, j'ai dîné. Voilà. Alors elle a fait de sa vie un roman, elle a réinventé une bonne partie de sa vie, peut-être en particulier son enfance, parce que là pour le coup c'est une enfance très romanesque. Vous allez nous aider à faire un petit peu la part des choses entre ce qu'on sait vraiment et ce dont on ne sait que la moitié finalement. C'est une enfance qu'elle ne voulait pas partager avec tout le monde. Elle adorait cette expression « on n'a pas gardé les cochons ensemble ». C'était son côté rugueux, paysan, cévenol et auvergnat. Et elle ne voulait pas partager cette souffrance terrible avec qui que ce soit, sauf encore une fois quelques intimes. Et de temps en temps, elle laissait quelques petites bribes comme ça pour qu'on entende cette souffrance de l'enfance. Parfois, elle disait à ma petite, en parlant à un mannequin, « si tu avais vécu ce que j'ai vécu », ce genre de petites phrases qui laissent entendre l'horreur de ce qu'elle a vécu enfant. Donc pour dire en quelques mots ce qui s'est passé quand elle était très jeune, elle a eu une enfance tragique, c'est-à-dire en Auvergne, puisqu'elle est auvergnate. Elle se revendiquait d'ailleurs auvergnate comme un volcan d'Auvergne. Elle avait un père qui était sur les routes, qui était bonnetier, qui vendait du linge et qui était en fait très rarement à la maison. C'est la première maison Chanel. C'était la première maison Chanel. D'ailleurs, quand j'ai retrouvé à Courpierre dans les archives l'écriture bonneterie et article de blanc, la typo m'a étrangement fait penser à la typo des premières maisons qu'elle a créées elle-même. Alors il y a eu d'abord Deauville, enfin on en reparlera. Donc en fait, ce père était très absent, était sur les routes, était très volage, et sa mère était éperdue d'amour totalement éperdue d'amour. Donc pour ses enfants, il y a pour ce mari, pour ce mari volage qu'elle essayait de suivre tant bien que mal, fatiguée. Qu'elle s'épuisait à suivre. Alors elle était couturière quand elle pouvait, elle ravaudait, c'était du ravaudage. Elle faisait des petits travaux et puis elle s'épuisait à suivre ce mari. Et puis il y avait des grossesses à répétition parce que il y a eu donc les trois filles, Julia, Berthe, Antoinette, Coco Chanel, deux garçons et un petit dernier qui est mort en bas âge. Donc les grossesses à répétition, l'épuisement, la misère dans laquelle ils étaient tous, et l'épuisement surtout ont fait que cette femme est morte prématurément à 32 ans de la tuberculose. Et Coco Chanel et son aînée Julia Berthe, aînée d'un an, ont vu leur mère cracher du sang, s'épuiser, mourir d'amour. Et c'est ce qui a fait dire à Chanel que l'amour était une chose dangereuse mais belle, et que on pouvait mourir d'amour, qu'une histoire d'amour pouvait être tragique mais belle. Et elle est aussi pleine d'amour pour son père, alors même que ce père, une fois que sa mère va mourir, eh bien va tout simplement disparaître et les abandonner. Mais c'est ce qui l'a sauvée, c'est-à-dire que contrairement à ses deux sœurs, Julia Berthe l'aînée et Antoinette la cadette, elle a toujours su que son père la considérait comme sa préférée. Il l'appelait « mon petit coco ». Ce surnom qui vient de son père et pas du tout des cafconques de Moulins comme on l'a prétendu. C'est dommage, je voulais vous poser une question là-dessus. On a une archive, on les comptera quand même. Et donc ce père aimait vraiment, aimait profondément sa petite coco, son petit coco, il disait son petit coco. Et elle, se sentant la préférée, est rentrée dans un processus de déni en se disant que son père l'aimait quoi qu'il arrive et reviendrait la chercher. Parce que finalement, la tragédie de l'enfance de Chanel, c'est une tragédie en deux actes. Un, la mort de la mère, et deux, l'abandon par le père. Mais il y a peut-être un troisième acte tragique, c'est le suicide de sa sœur, qui ne se remet pas du tout. Ça, c'est plus tard, parce que toutes les deux, effectivement, avaient beaucoup plus, avaient pas cet art du récit, cette confiance en des symboles, en une bonne étoile, et elles étaient très différentes de Coco, et toutes les deux n'ont effectivement pas pu tenir. À 6 ans, je suis déjà seule. Ma mère vient de mourir. Mon père me dépose comme un fardeau chez mes tantes et repart aussitôt vers une Amérique d'où il ne reviendra jamais. Orpheline. Depuis lors, ce mot m'a toujours glacé d'effroi. Maintenant encore, je ne puis voir passer un pensionnat de petites filles et entendre dire « ce sont des orphelines » sans que mes yeux se mouillent. Un demi-siècle a passé, je suis seule. J'ai grandi, vécu et je vieillis seule. C'est la solitude qui m'a trempé le caractère que j'ai mauvais, bronzé l'âme que j'ai fière et le corps que j'ai solide. Alors c'est dans un monde imaginaire que Coco Chanel va se réfugier. C'est une enfant solitaire, une enfant qui fréquente les cimetières aussi et qui vit dans l'imagination. Alors déjà, dans ce qu'on vient d'entendre, elle adore raconter qu'elle avait 6 ans au moment de la mort, elle avait 12 ans au moment de la mort de sa mère. Et il faut absolument qu'ensuite elle raconte qu'il y a eu des tentes, des armoires pleines de linge propre, qu'il y avait quelque chose de resplendissant. Elle a vraiment essayé de changer le récit, mais personne n'était dupe, en somme. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est appuyée, en fait, sur tout un monde imaginaire, comme vous venez de le décrire, effectivement, tout un monde imaginaire qu'elle a construit dès l'enfance. Parce que c'était, dès le départ, dans la fratrie, c'était une petite fille très solitaire, qui avait une relation privilégiée avec Julia Berthe, son aînée encore une fois. Mais Julia Berthe essayait de la suivre, puisque sa mère lui disait va regarder ce qu'elle fait. Elle disparaissait longtemps. Elle partait dans des cimetières où elle enterrait les cadeaux que rapportait son père. Elle priait pour les morts. Elle avait ses tombes préférées. Et elle allait dans deux cimetières à Courpierre, le cimetière où la famille de sa l'oncle Chardon était jardinier, et puis un autre cimetière. Elle avait ses deux cimetières préférés. Et puis la famille habitait à Issoire aussi. Et là, elle passait beaucoup de temps aussi dans la petite église de celle de Courpierre donc, et puis celle d'Issoire ensuite, où pour y être allée, je peux témoigner, on voit des C entrelacés sur les colonnes de l'église d'Issoire. Et très tôt, rappelle le sigle, le fameux double Chanel. C qu'elle retrouvera au Basine. Alors très tôt, elle s'est appuyée sur ces symboles, c'est-à-dire que elle avait ses chiffres préférés, elle avait ses rituels. Donc le 2 et le 5. Le 2, le 5, le 19 qui était sa date de naissance et celle de son père. Le 2, le 22, donc. Tous aussi, les parfums. Le 5 qui était son chiffre de chance. Et puis le blé, puisque son père réellement montrait beaucoup plus d'affection. C'est absolument véridique pour son petit coco. Et l'emmenait à travers champs et lui racontait des histoires. Et des histoires où il était question de blé, c'était des champs de blé. Donc le blé est tout de suite lié à son, tout de suite était lié à son père. Dès la toute petite enfance. Et puis, ils regardaient les étoiles ensemble. Donc, les étoiles ont une importance. Et tous ces symboles ne l'ont jamais abandonné. C'est-à-dire que son père l'a abandonné, sa mère l'a abandonné en mourant, la société l'a abandonné, sa famille l'a abandonné, puisqu'ils se sont occupés de, après le décès de la mère en 1895, la famille a essayé d'aider parce que le père a supplié, mais en fait, elle s'est retrouvée à être une domestique bonne d'enfant pendant un an. C'était absolument tragique et elle a voulu en parler à personne. Ensuite, il y a eu Aubazine. Et tous ces symboles étaient là. L'ont soutenue. Elle les a retrouvés partout où elle allait. Elle les a retrouvés à Aubazine comme par enchantement. Donc Aubazine, c'est le pensionnat de Moulins où elle se trouve placée finalement avec sa tante Adrienne, alors que avec les garçons sont placés chez voilà, des elle fermiers. Voilà, se retrouve, c'est-à-dire qu'à la mort de la mère, le père essuie à peine quelques larmes, puisque c'était quand même quelqu'un d'extrêmement volage, alcoolique et un petit peu irresponsable, que Coco Chanel a totalement... idéalisé en disant par la suite toute sa vie que c'était qu'il était parti faire fortune en Amérique, en sachant profondément que c'était faux, ou parfois négocier en vain. Et donc ce père, au moment du décès de sa femme en 1895, après la Gaillarde où elle l'avait suivi une fois encore, a placé les deux garçons comme enfants dans des fermes, enfants des hospices. Il a littéralement abandonné ces deux garçons. Et puis les trois filles, il les a abandonnées aussi, mais à l'orphelinat d'Aubazine, après un laps de temps qui est à peu près d'un an, retrouve les archives à Thiers, chez des cousins qui ont bien voulu aider, mais à quel prix, puisque elle s'est retrouvée dans une position, encore une fois, très humiliante, un petit peu bonne à tout faire. Alors, vous dites que c'est quelqu'un qui était très attaché à son Auvergne. On sent un petit peu, en vous lisant, qu'il y a chez Chanel un rapport à la campagne qu'on ne soupçonne pas vraiment. Ah mais oui, elle se dit rurale. Et puis, surtout, alors, Tiny, sa petite nièce, avec qui j'ai eu 15 ans de conversation, le disait, Coco Chanel devait absolument marcher longtemps, partir près de Paris dans des forêts. Elle avait cette maison, la Paosa, à Roquebrune. Elle avait ce château de Corbère et ce château de Ménil-Guillaume aussi qu'elle avait offert à son fameux fils neveu. Voilà, comme on n'en a pas encore parlé, je ne veux pas avancer trop vite. Et en ça, elle est assez proche de Colette. Mais elle se promenait énormément. Elle était amie avec Colette. Qui disait « Le monde des tissus et de la campagne ne font qu'un ». Absolument. C'était une très belle phrase de Colette et tellement, tellement adaptée à Chanel. Elle connaissait très bien Chanel. La rotonde. Mmh. Tout le monde à Moulins sait ce que c'était que la rotonde. Mmh. C'était un bâtiment rond qui avait été construit dans le parc public à usage de bibliothèque et qui était resté à usage de bibliothèque très peu de temps et était passé presque aussitôt à usage de beuglan, pour appeler les choses par leur nom. Beuglan militaire. Le beuglan militaire était une institution qui avait en France une réputation épouvantable. Ah bon ? On sait qu'on y chantait. On sait que les chanteuses n'y étaient très mal payées. On sait qu'on bombardait les chanteuses avec des noyaux de cerises. Et on sait que Mademoiselle Chanel, après y avoir pris quelques consommations en tout bien tout honneur avec de beaux officiers du 10e régiment de chasseurs, un beau matin, n'y tenant plus et sentant en elle le désir d'en sortir, car en fait c'est ça qui l'a poussée, c'était de se dire « je ne vais pas rester vendeuse à la mercerie Sainte-Marie toute ma vie ». Comme elle s'amusait à chantonner en présence des officiers, un des officiers lui a dit bah, « monte donc sur scène, oui, tu montres ce que tu sais faire ». Et elle est montée sur scène, et Adrienne, elle, n'a pas osé, mais Adrienne avait beaucoup moins de courage que Gabrielle, et elle a chanté pour la première fois un refrain qui lui a valu par la suite un réel succès, qui s'appelait « Cocorico », et qui faisait que tous les officiers en redemandaient. Et pour en redemander, il criait tout simplement les premiers mots de la chanson, qui était « Coco ». Elle avait aussi un deuxième chant, disons une deuxième rengaine, ce qui était « Qui a vu Coco dans le Trocadéro ?». Ce qui fait qu'au fond, ces deux chansons, « Cocorico » et « Qui a vu Coco dans le Trocadéro » ayant un mot commun qui était « Coco », on appelait « Coco, Coco » pour lui dire « Rechante une deuxième fois ta chanson » et que le nom lui est resté. Donc on a compris que pour vous, cette anecdote Isabelle Fimeyère n'était pas juste, mais on aime bien entendre Edmond de Charleroux dire « Qui a vu Coco dans le Trocadéro ?» Et pour cette raison, on voulait quand même l'entendre. Alors, est-ce que c'est vrai en revanche que c'est à la Rotonde qu'elle a rencontré Étienne Balsan, qui sera son premier protecteur ? Alors, c'est absolument véridique, c'est à la Rotonde qu'elle a rencontré Étienne Balsan. Coco Chanel, à l'époque, était très courtisée, elle avait été remarquée par tous ses officiers qui trouvaient son visage si particulier, cette silhouette menue, ses longs cheveux, et puis ce regard farouche, cette liberté qu'elle avait déjà, qu'elle affichait. Ils l'avaient tous remarqué et elle a été très courtisée. Edmond Charleroux le dit bien, elle avait un désir effréné de sortir de sa condition. Elle avait été profondément humiliée au pensionnat Notre-Dame. Elle était avec les miséreuses et elle avait un désir de revanche. Ça c'est certain. Donc c'est lui qui lui offre cette possibilité. Et son premier protecteur, c'est vraiment le terme qu'elle-même employait. Elle est restée amie toute sa vie avec Balsan. Balsan était devenu un bon camarade finalement. Il a même porté Tiny sur les fonts baptismaux à la place du duc de Westminster qui était absent ce moment-là et qui était le parrain de Tiny. Donc bref, Étienne Balsan était un riche héritier de l'industrie du textile. C'était un cavalier. Il lui a appris à faire du cheval et Boy Capel, son premier grand amour, va lui apprendre à conduire. Alors voilà, donc parce qu'il faut dire va être émancipé et c'est surtout surtout grâce à Étienne Balzan qu'elle a, elle a donc été invitée à Royallieu, elle était logée à Royallieu près de Compiègne, dans cette maison, cette immense maison où en fait tous les soirs il y avait des bals, où on s'amusait, où on lisait le journal le matin. Enfin, c'était une vie qu'elle n'avait jamais connue avant. Et Étienne Balzan lui a donc présenté toutes les gloires du moment, les gloires du sport, du théâtre, Emmanuel Dorzia, Emilienne d'Alençon, tout le monde était chez Étienne Balzan à ce moment-là. Voilà, parce que Étienne Balzan était peut-être amoureux de Chanel. Bon, toujours est-il qu'il était marié, il a présenté à Coco Chanel Arthur Boy Capel, qui sera le véritable amour de Chanel durant les 10 années qui vont passer ensemble. Il n'a pu que constater, parce que c'était un coup de foudre absolu quand Coco Chanel a rencontré Arthur, surnommé Boy Capel, qui était un Anglais. Elle a eu un coup de foudre irrésistible et Balzan, bon camarade, a laissé faire. Il a même prêté sa garçonnière boulevard Malesherbes pour que Coco Chanel commence sa nouvelle vie de modiste, puisque elle a donc commencé comme modiste, elle a fait des chapeaux. Alors ça vient aussi, cette nouvelle vie, d'une sorte d'illumination, le jour où elle retaille un costume à justement Étienne Balzan. Ah, ça c'est extraordinaire comme scène, parce que tout vient de là. On peut dire que toute la mode Chanel est née ce jour-là. C'est-à-dire que Coco Chanel a emprunté un costume masculin, le costume d'Étienne Balzan. Elle l'a sauvagement tailladé. Ensuite, elle l'a porté avec une cravate également. Et puis, ensuite, elle a eu l'idée de porter des jaunes purs, toutes les tenues d'hommes. Donc un tissu qui n'était pas du tout considéré à l'époque. Et puis, elle est allée voir le petit tailleur de Compiègne pour lui demander de refaire la même chose et de constituer une garde-robe qui était une garde-robe très emprunté au costume masculin. Donc ça, c'était très, très, très novateur et c'était révolutionnaire en son temps. Est-ce que ça veut dire que le destin de grande styliste de Chanel arrive aussi un petit peu par hasard? C'est-à-dire qu'elle ne sait pas, elle n'a pas ce projet dès le départ? Si, elle a déjà ce projet parce que elle a été très marquée par Aubazine où elle a réellement été, parce qu'on entend certaines rumeurs disant qu'elle n'y avait pas été. Et une religieuse à Aubazine l'a vraiment marquée. Elle en a parlé toute sa vie à ses intimes de cette religieuse-là. Donc il y a eu en fait déjà l'ambiance monastique cistercienne. Il y a eu cette influence d'une mode finalement en noir et blanc déjà, et puis ensuite il y a eu ce désir de se débarrasser de tout ce qui était totalement inutile, et c'est donc ce qu'elle a fait avec en empruntant ce costume masculin, mais qui était prémédité, puisque quand elle était avec les miséreuses au pensionnat Notre-Dame, elle était habillée avec des robes qu'on lui donnait, qui étaient un uniforme en somme. Et intérieurement, et elle l'a dit plus tard, elle s'est dit ce jour-là, un jour je mettrai les femmes dans des uniformes moi aussi. Donc là, vous voyez, son processus de mode remonte à sa petite enfance. Donc somme. Avec ces deux hommes, Arthur Capel et Étienne Balzan, elle va se lancer, épaulée par ces deux-là. D'abord à Biarritz. Alors c'est Boy Capel qui l'installe, entre guillemets, parce que c'est vraiment une installation rue Cambon, puisqu'ensuite elle ne quittera jamais sa adresse. Pour des chapeaux, alors elle vend des chapeaux. Voilà, il y a puis des vêtements souples, ensuite. Elle tient à le rembourser. Ça montre déjà son caractère. Il lui avance l'argent pour s'installer rue Cambon et elle le remboursera intégralement. Et puis ensuite, en 1913, il y a Deauville. En 1915, il y a Biarritz, qui est la première vraie maison de couture, parce qu'elle commence donc par des chapeaux, ensuite par des vêtements qui sont des vêtements souples, des grandes robes qui ne marquent pas la taille. Donc elle continue. Donc c'est sa grande innovation. En fait, c'est Poiret réellement qui a eu cette première innovation de supprimer le corset, mais elle a été beaucoup beaucoup plus loin. Et ensuite, elle a eu l'idée de cette robe chemise aussi, qui a été saluée aux États-Unis avant d'être saluée en France. Elle a eu l'idée du jersey, qui était en fait un matériau pauvre, vivre. Mais quelle belle idée, c'est-à-dire qu'en temps de... Ensuite, c'était la guerre, donc en temps de guerre, elle a pu habiller des femmes qui pouvaient mener une vie totalement... qui étaient libres de leur mouvement, enfin. Donc on entend bien qu'il y a un phénomène de société aussi, qu'elle accompagne, voire qu'elle précède, suscite. Je dirais même précède. Et vous évoquiez finalement la rapidité avec laquelle elle va rembourser Boy Capel. C'est parce que le succès est immédiat. Le succès est immédiat. Alors elle invente presque la notion de mannequin aussi, parce que elle demande à sa sœur et à sa jeune tante, qui a à peu près le même âge qu'elle, pardon, Adrienne. Donc toutes les deux se promènent dans les rues dans des tenues créées par Chanel. Donc ensuite il y a toutes ces personnes du monde du théâtre qu'elle a rencontrées par Étienne Balzan qui portent ces tenues. Effectivement, elle très vite, il y a un vrai succès pendant la Première Guerre mondiale et juste après. Alors c'est important que vous parliez des gens du théâtre, parce qu'elle a toujours voulu s'entourer d'artistes. D'ailleurs, tous les artistes l'intéressent, hein, que ce soit les gens du spectacle, mais aussi les poètes. Il y aura beaucoup de poètes autour d'elle. Surtout Reverdy, qu'elle aimera. Alors elle rencontre tous ces gens-là parce qu'au début, elle est finalement fournisseur, entre guillemets. Et tout d'un coup, elle devient l'amie des grands de ce monde. Elle est surtout introduite dans le milieu des artistes par Missia Sert, qui devient une très grande amie et qui lui présente Diaghilev, les ballets russes, Picasso, Cocteau, Morand, Max Jacob, le groupe des six. C'est Missia Sert qui est en fait le sésame et qui l'introduit dans un monde où tout d'un coup elle n'est plus accueillie et aimée accueillie comme un fournisseur, mais comme l'amie des artistes. Alors elle s'est toujours défendue, ça c'est vraiment important pour elle. Elle s'est toujours défendue de pas être artiste elle-même, c'est-à-dire que quand elle a été sollicitée la première fois par Cocteau pour faire les costumes d'Antigone, elle a bien précisé, je n'étais là que pour les costumes. Et ça, elle l'a dit de très très nombreuses fois, à chaque fois qu'elle était sollicitée pour des costumes de théâtre, puis ensuite de cinéma. Alors elle était sollicitée pour les costumes de théâtre, mais parfois aussi pour donner un peu d'argent, et vous insistez sur la générosité de Coco Chanel, notamment envers les artistes. Alors il y a un aphorisme, parce qu'elle s'était piquée elle voulait créer des aphorismes avec Reverdy, donc Reverdy était si proche d'elle qu'il lui a presque tenu la plume, et il y en avait un qui est terriblement, terriblement Chanel, c'est la vraie générosité, c'est d'accepter l'ingratitude. Donc c'est un aphorisme écrit par Reverdy, mais qui reflète totalement la vraie générosité de Chanel que je peux développer. Alors, avant que vous le fassiez, je voudrais qu'on entende l'ingratitude, c'est celle qu'a eue envers elle, justement, Diaghilev. Combien il vous faut pour liquider votre situation à Londres et revenir en France? Il m'a dit la somme que j'ai complètement oubliée. Je lui ai donné un chèque dans la minute même. Je crois qu'il n'a pas cru qu'il était vrai, ce chèque. Commencez par voir qu'il n'était pas vrai. Et là, j'ai dit, écoutez, je voudrais que Michel ne le sache pas. Et d'abord, je voudrais que personne ne le sache. C'est comme ça qu'ont commencé mes relations avec Diaghilev. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, il a dû toucher ce chèque avec une inquiétude. Il a lui à la banque en tremblant. Jamais il m'a écrit, jamais il ne s'est compromis par un mot, jamais il n'a rien fait. Et je savais très bien qu'il n'était pas tout à fait à l'aise avec moi. Je n'ai su qu'il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, je parlais un soir ici avec Serge Ulfard. Je lui ai dit, mais raconte-moi, jamais je n'ai compris quels étaient les sentiments de Diaghilev avec moi. Qu'est-ce que tu crois? Quelle sorte d'amitié avait-il pour moi? Est-ce qu'il avait même de l'amitié? Il m'a dit, non, tu lui faisais peur. Il avait peur de toi. C'est tout le sentiment, après tout ça, après l'avoir sorti de toutes ses affaires, après lui avoir donné de l'argent, et beaucoup, pour me remontrer tout ça, vous comprenez, monter le sacre, remonter noces, remonter toutes les choses de Stravinsky, pour lequel je me suis prise d'une passion musicale, pas autrement, lui s'est pris d'une autre passion avec moi. Alors ça fait un drame épouvantable, parce que je dis, je ne l'aime pas du tout, il n'en est pas question, je l'aimais bien comme ça, parce qu'il était très gentil, qu'il sortait avec moi tout le temps, c'est très agréable de tout apprendre par des gens comme ça, parce que tout de même pendant 10 ans j'ai vécu presque avec ces gens, enfin. Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Chanel outré par la réaction de Diaghilev, et on sent justement le sentiment de solitude qui sourd dans ses propos. Vous vouliez rajouter quelque chose sur ce thème, Isabelle Fimeyer ? Oui, sur le fait qu'elle acceptait, étrangement, elle acceptait quand même cette ingratitude, et ce qu'elle voulait surtout, c'était de donner, d'aider, mais que personne ne le sache. D'ailleurs, elle le dit dans ce qu'on vient d'entendre à l'instant, pour elle, c'était important d'être totalement anonyme. Par exemple, Reverdy, elle manigançait toutes sortes de choses dans le dos de Reverdy pour que Reverdy puisse être publié, puisse vivre, mais elle ne voulait pas que Reverdy le sache. Pourquoi, d'après vous ? Éluard, alors là, j'étais sidérée de voir des lettres de remerciement d'Éluard dans les archives personnelles de Coco Chanel. Je ne savais pas qu'elle avait aidé Éluard. Ça, c'est vraiment des choses qu'on ne savait vraiment pas. Et qu'est-ce que elle ça dit d'elle, selon vous ? Elle a aidé Cocteau, elle a payé les funérailles de Diaghilev, de Radiguet. C'est parce qu'en fait, ça renvoie à son enfance, où elle avait été cette petite fille si pauvre, dont la scolarité était payée par les familles les plus riches. Et donc c'était lié inconsciemment à cette période-là. C'était une espèce de revanche. Elle pouvait payer, mais elle ne voulait absolument pas qu'on le sache. Et surtout, elle avait une telle passion pour les artistes qu'elle voulait les aider. Mais elle ne sent rien attendre au retour, parce que sa vraie famille, c'était celle des artistes. Alors, on a vu l'accident tragique qui a mis fin à un amour de 11 ans avec Boy Capel. Ensuite, il y aura d'autres hommes jamais autant aimés. Il y aura donc Reverdy, mais Reverdy, lui, va partir à Solesmes, devenir prêtre, où il ira prier, écouter les chants grégoriens des moines de cette abbaye. Il y en aura d'autres, hein, vous avez égrené quelques noms tout au long de cette émission, le grand-duc Dimitri, le duc de Westminster, Paul Iribé aussi, avec qui elle a souhaité se marier, c'était peut-être la moins grande de ses passions, et elle a pourtant voulu... Et celui qu'elle a réellement failli épouser, effectivement. Mais il est mort également, ouais. Quasiment dans ses bras. C'est-à-dire qu'après la mort de Boy Capel, la notion d'amour s'est effondrée avec la mort de Capel. Elle a dit à Tiny, je meurs à cet instant, ou si je survis, c'est que je continue ce qu'on a commencé à construire ensemble, c'est-à-dire cette œuvre, ce style. Mais après Boy Capel, plus aucun grand amour n'était possible, c'est certain. Alors ensuite, il y a eu cette relation avec... C'était vraiment une relation assez courte avec le grand-duc Dimitri, avec le duc de Westminster. Ils se sont rendus compte au bout d'un moment qu'ils étaient de francs camarades et que c'était beaucoup mieux comme ça. Reverdy, c'était son deuxième grand amour après Boy Capel, ça elle l'a toujours dit. Mais Reverdy appartenait à la poésie et à la spiritualité, au recueillement. Mais elle était incapable, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'elle était incapable d'abandonner un homme qu'elle avait aimé. Donc elle est restée proche, amie de tous les hommes qu'elle a aimés. Et alors, ce qui est dramatique avec Erib, c'est que Erib est mort devant ses yeux. Mmh. Et là, ça a été insoutenable parce que tous les morts qui s'étaient accumulés toute sa vie, les deux suicides de ses sœurs dont on n'a pas beaucoup parlé, la mort de sa mère qu'elle a vue, les suicides de ses sœurs, tous ces hommes autour d'elle qui sont morts, ça a été la chose de trop, de voir en direct la mort d'Iribe. Alors il y a un homme aussi qu'elle a aimé d'une autre façon, c'est son neveu André Palas. On dit d'ailleurs, vous allez sans doute démentir, que peut-être qu'il était son fils en réalité. Est-ce qu'on peut accréditer cette thèse ? Oui, parce que je me rends compte que je parle beaucoup de Tiny depuis le début de cette conversation. Donc Coco Chanel a recueilli un garçon qui était officiellement, d'après l'état civil, le fils de Julia Barthes, sa sœur aînée. Il avait 6 ans. Il est né en 1904 à Moulins, André Palas, et il a été recueilli au moment du suicide de Julia Berthe. Et elle l'a aimé et élevé comme son propre fils. Alors, la question que André Palas lui-même s'est posée, et André Palas a eu 2 filles, voilà. Donc, il y a eu Tahini Gabrielle, Gabrielle Palas, surnommée Tahini, et puis Hélène. Et donc, j'ai eu effectivement 15 ans d'amitié, de conversation, de découverte d'archives personnelles via Tahini. Et André Palas, était-il oui ou non le fils? Il a posé la question à sa tante. Et elle a toujours dit qu'elle souhaitait qu'il reste un mystère. Cela dit, quand on voit certains courriers, donc il y a le courrier de Madou, par exemple, directeur des Tissus Chanel, une lettre qu'il écrit dans les années 70, où il dit que tout le monde pensait que c'était son fils, parce qu'elle est, c'était le centre de toute sa vie. Elle l'installera d'ailleurs à la tête. Elle ira très loin pendant la guerre pour Chanel, le sauver. La division des tissus. Et c'était lui son héritier. Au cas où il lui arriverait quoi que ce soit, c'était son héritier direct, son seul héritier. Et elle l'aimait, elle était même pénible comme une mère possessive, puisqu'elle n'a pas beaucoup aimé sa deuxième femme. Donc et lui-même, j'ai vu un courrier signé d'André Palas disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une mère aussi dure ?» Donc en fait, c'était vraiment... réellement, il s'agit vraiment d'une relation mère-fils, même si ce que souhaitait Coco Chanel, c'est l'appellation neveu-fils. Elle disait : j'ai rendu au corps des femmes sa liberté. Ce corps suait dans des habits de parade, sous les dentelles, les corsets, les dessous, le rembourrage. Avec Chanel, la verte campagne reprenait le dessus, comme en littérature 20 ans plus tôt, avec une Colette débarquant à Paris dans le même sarrau d'écolière, portant la même cravate lavalière, les mêmes souliers d'orphelinat. Cet esprit de vengeance n'abandonnera jamais Chanel. Il lui fit couper une belle et longue chevelure qui se prenait dans les lacets de son corset. Il exterminait tout un rêve de paradis perdu, d'ailleurs imaginaire, puisque l'enfance fabuleuse qui la marqua tellement, elle l'avait d'abord haï et fui. Mystère des complexes. C'était là le côté ombre de Chanel. Sa souffrance, son goût de faire mal, son besoin de châtier, sa fierté, sa rigueur, ses sarcasmes, sa rage destructrice, l'absolu d'un caractère soufflant le chaud et le froid, son génie invectif, saccageur. Cette belle dame sans merci allait inventer la pauvreté pour milliardaires, tout en dînant dans de la vaisselle d'or. La simplicité ruineuse, la recherche de ce qui ne tire pas l'œil, le cuivre des yachts, le bleu et blanc naval, la toile cirée du chapeau des marins de Nelson, le mi-parti black and white du colombage des maisons de Chester, la teinte ardoisée de ses champs de lavande à robe brune, les pique-niques sur la Brenta, ses soupers à la Paosa sans livrée où l'on se servait dans des réchauds alignés sur la table à gibier. Jamais snobisme ne fut mieux dirigé contre lui-même. De l'allure de Chanel de Paul Morand dans la compagnie des œuvres. Nous parlons donc avec vous, Isabelle Fimeyer, de la grande styliste Chanel. Venons-en peut-être justement à son œuvre. On dit qu'elle se moquait des fluctuations de la mode, qu'elle croyait en un style durable et intemporel. Qu'est-ce que c'est le style Chanel ? Le style Chanel, c'est avant tout son style. C'est-à-dire qu'elle le disait elle-même, elle créait pour elle-même. Elle ne portait que ses créations. Elle n'était habillée qu'en Chanel. D'ailleurs, elle n'avait pas beaucoup de vêtements. Ce qui était drôle, c'est qu'il n'y avait pas d'étiquette Chanel non plus, évidemment. C'était c'était sa garde-robe personnelle. Et effectivement, elle n'aimait pas avoir trop de choses en même temps. Donc, elle aimait bien porter jusqu'à l'usure, ce qui paraît très étonnant. Et puis ensuite, elle les donnait souvent à des proches. Elle donnait une veste qu'elle avait un peu trop portée. En fait, dans sa vie comme dans son œuvre, il y a la question de la légèreté. Elle semble vouloir toujours se défaire de ce qui pourrait alourdir. Elle a créé une mode à son image, c'est-à-dire qu'elle voulait être une femme libre, une sportive, parce que Chanel était sportive, elle marchait, elle grimpait aux arbres. C'est extraordinaire, d'ailleurs, le nombre de photos que j'ai trouvées dans les albums de famille, où on la voit en Chanel, forcément, grimper aux arbres en toute facilité. Donc en fait, elle voulait une mode qui lui ressemble, une mode qui laisse une liberté aux femmes. C'est vraiment elle qui a libéré les femmes, la silhouette féminine, et qui a libéré les femmes finalement. Alors simplicité des lignes et les couleurs qui étaient tellement importantes aussi, parce qu'elle voulait cette histoire de la création de la petite robe noire surnommée la Ford, puisque ça a été ensuite quasi un modèle presque industriel, donc c'était une expression, la Ford. La Ford de T était noire aussi. Voilà. Et donc cette petite robe noire, c'était complètement révolutionnaire, et elle avait regardé avec dégoût tout un parterre à l'opéra de femmes avec des tas de couleurs, des chapeaux de toutes les formes et de toutes les couleurs, et elle avait dit je vais toutes les mettre en noir, ce qui n'était pas du tout une couleur habituelle à cette époque. Donc encore une fois, elle a chaque fois, aussi bien pour les formes, pour les couleurs, elle a créé une mode qui est sa mode à son image. Est-ce qu'on peut parler là d'un nouveau classicisme ? Parce que dans la recherche de l'épure, il y a peut-être une opposition au romantisme, au baroque, et l'envie de revenir à ce qui serait une sorte de fondamental, donc de classicisme. Oui, non. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est qu'elle concevait cette mode et ce style, elle le concevait un peu comme une sculpture. C'est-à-dire qu'elle avait une image mentale, elle ne dessinait pas, contrairement à tous les autres couturiers. Elle avait une image mentale de ce qu'elle souhaitait, elle donnait quelques indications à la première d'atelier. Ensuite, le mannequin arrivait, et c'est là tout d'un coup qu'elle taillait comme un. Sur le mannequin vivant. Et là, elle avait l'attitude d'un sculpteur avec la rage d'un artiste qui veut arriver au bout de son œuvre et qui est toujours insatisfait. Elle travaillait dans l'insatisfaction permanente. Et d'ailleurs, il y a toujours eu des tas d'anecdotes très amusantes où parfois, quand elle voyait dans les dîners où elle allait, elle voyait parfois des gens avec quelque chose qui clochait selon elle. Donc, elle arrivait, elle sortait ses ciseaux et elle coupait la manche. Donc, ça donnait lieu à des choses assez cocasses. Mais elle était toujours dans une insatisfaction permanente. Et pour elle, cette création, c'était vraiment la création d'une artiste. Donc, la jeune femme ou la femme Chanel, ça n'est pas une jeune fille oisive, c'est une femme qui travaille, qui porte des choses à la fois discrètes, mais en même temps pratiques, et belles, évidemment. Est-ce que le style Chanel, finalement, ça n'est pas quelque chose qui est paradoxalement assez social, assez démocratique ? Si, puisqu'elle elle se félicitait quand elle voyait que des imitations étaient vendues dans des marchés, dans les rues de Paris. Elle se félicitait toujours. Quand elle croisait quelqu'un qui disait « Achetez mes petits Chanel » en montrant des faux Chanel, des foulards, elle se réjouissait. Elle était absolument ravie que ses idées, son style, descendent dans la rue. Et quel était le style qu'elle n'aimait pas alors ? Parce que après-guerre, elle va quand même beaucoup fustiger ses collègues. Alors c'est ce qui est un petit peu triste, c'est que elle qui a été l'avant-gardiste totale, qui a été un des trois grands noms d'après Malraux du siècle avec Picasso et De Gaulle, celle qui a vraiment inventé une nouvelle liberté pour les femmes. Ce qui est très triste, c'est que à la fin de sa vie, elle ne comprenait plus du tout son époque et elle s'insurgeait contre les jupes trop courtes. Elle trouvait que c'était très affreux de montrer ses genoux. Elle comprenait pas les jeans non plus. Elle était vraiment c'est triste, hein, mais elle comprenait pas non plus les pantalons le jour pour les femmes, alors qu'elle-même avait inventé. C'est le seul endroit alors qu'elle où avait on avait inventé le pyjama de plage et le pyjama du soir. Donc c'est dommage. Moi, j'ai aimé un peu plus de romanesque dans la vie. Ne pas parler uniquement d'argent, de manger, de boire, de débiner tous les gens. On vit avec des gens toute la journée, on en a entendu parler mal. On finit par parler mal aussi et on le regrette. Moi, quand il m'échappe de m'intéresser vaguement à une conversation et que dans le fond, il ne s'agit de rien que d'une sottise, je suis fâchée avec moi-même terriblement. Je me dis, idiote, pourquoi tu vois des gens comme ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Tout ça, ça t'abrutit, ça t'abîme la journée. Je me réfugie dans la lecture, voyez-vous. S'il n'y avait pas la lecture, moi je crois que je ne serais plus depuis longtemps. Ou alors je me serais fait paysan. Les paysans, vous savez, qui s'endorment toute la journée, qui respirent du bon air frais, qui voient pousser des arbres et tout ça, c'est une vie autrement plus belle que la nôtre. Et je suis persuadé que ces gens-là, si on savait ce qu'ils pensent, ils pensent très rarement mal. Et plus ça va aller, plus Chanel va préférer les livres aux gens, Isabelle Fimeyer. Les livres ont toujours été importants depuis sa jeunesse, parce que dès qu'elle s'est retrouvée après la mort de sa mère, très livrée à elle-même, elle a essayé de lire les livres qu'il y avait chez ses cousines, chez ses tantes, et puis ensuite à Aubazine, forcément elle lisait. Elle lisait et quoi? Elle disait, si j'avais une fille, je lui aurais appris la vie dans les romans. Donc elle lisait des romans à l'eau de rose à ce moment-là. Et puis ensuite, quand elle a rencontré sa vraie éducation littéraire, parce qu'elle était très littéraire et elle lisait tous les jours, sa vraie éducation, ça a été au moment de la rencontre avec Boy Capel, qui lui a fait lire les grands classiques de la philosophie, et puis énormément de textes sacrés, ésotériques, l'a entraînée aux réunions théosophiques, elle avait un exemplaire de la Bhagavad Gita qu'elle quittait rarement, mais lui a fait relire tout vraiment Nietzsche, Voltaire, c'était très éclectique. Ensuite, il y a eu Reverdy, qui l'a énormément initié à la poésie. Et puis ensuite, il y avait tous les livres de tous ses amis. Missia lisait énormément, donc lui donnait des livres. Cocteau lui donnait des livres. Morand lui donnait des livres. Et dans sa bibliothèque, ce qui était intéressant, c'est que les livres qu'elle aimait profondément étaient marqués d'un tout petit C au crayon. Et puis il y avait énormément... Pas de C entrecroisé, non? Un tout petit C. Seulement un seul. Oui, le C de Coco. Et ça, c'était le C intime. Et puis il y avait tous les livres dédicacés. Parfois il y avait des livres de Missia dans sa bibliothèque qu'elle n'avait pas rendu, qu'on lui avait prêté, qu'elle rendait pas. Et puis il y avait tous les manuscrits de Reverdy pour lesquels elle avait une passion totale. Alors l'un de vos livres, Isabelle Fimeyer, s'appelle Chanel, l'énigme. Il faut parler de cette énigme qui est aussi un peu une ombre au tableau de la vie de Chanel. C'est la question de la Seconde Guerre mondiale. On sent que cette question vous agace beaucoup, que pour vous, on n'a pas du tout fait la part des choses autour de cette période pour Chanel. Toujours est-il que on l'a accusée d'un certain nombre de choses, et notamment d'avoir été trop proche de l'occupant. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Mais d'abord, il faut quand même expliquer que pendant la période de la Première Guerre mondiale et jusqu'à un moment des années 50, la maison Chanel va fermer. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Oui, la maison Chanel ferme en 1939. Pas toute la maison, mais la haute couture. Oui, c'est-à-dire qu'en 1939, sa première réaction est de fermer sa maison de couture. Ses couturières sont effondrées. Elle les accueille à Corbert parce que pour son fils André Palas, elle avait acheté un premier château. Elle lui avait offert Corbert, puis Ménil-Guillaume. Donc elle fait venir énormément de couturières, d'employés de la maison Chanel qui savent pas où aller. Mais elle dit, je ne travaillerai pas pour ces gens-là et l'heure n'est pas à faire des robes. Donc là, c'est clair, net et précis. Alors que d'autres poursuivent, d'autres continuent à travailler pour l'occupant, donc certains ferment un peu plus tard, travaillent un petit peu pour l'occupant, 1940, certains continuent à travailler pendant toute la durée de la guerre, et puis certains s'affichent réellement comme Rochas, s'affichent vraiment pro-nazi. En fait, ce qui est passionnant, c'est quand on va aux archives aux archives nationales, le dossier couture-guerre ne mentionne, il n'y a rien sur Chanel, puisqu'en fait, elle a fermé. Mais par contre, là, il y a énormément de détails sur toutes les choses affreuses commises par la plupart des autres, finalement. Voilà. Donc, elle garde les parfums, elle garde les accessoires. Elle garde uniquement la boutique Cambon. C'est d'avoir racheté les parts de sa société de Chanel Parfum, donc à des personnes qui tombaient sous le coup de la loi nazie, de l'arianisation. Oui, on va lui reprocher plusieurs choses, dont celle-ci. Alors le dossier d'arianisation des parfums Chanel, il fait 300 pages, il est consultable, et il faut juste lire les 300 pages, et sur les 300 pages, sur Coco Chanel, il n'y a que deux lettres, qui sont deux lettres qui sont totalement odieuses si on les lit telles quelles, c'est-à-dire, puisqu'il s'agit d'arianiser la société des parfums Chanel, c'est une lettre dactylographiée, qui se termine par Gabriel Chanel, mais c'est pas signé. Et qu'on trouve dans votre livre, d'ailleurs. Qu'on trouve dans mon livre. Et alors, le problème de cette lettre, de ces deux lettres, c'est que elles n'ont pas été envoyées, elles n'ont pas été signées. On ne sait pas du tout si c'est elle qui les a rédigées. Madou, qui n'était pas en état de grâce, devait les envoyer. Il les a jamais envoyées. Donc en fait, on ne peut absolument pas l'accuser d'avoir voulu récupérer quoi que ce soit, puisque de fait, il ne s'est rien passé. En revanche, ce qui inquiétait Chanel, c'est que les Wertheimer étaient partis aux États-Unis dès le tout début du conflit. C'était des gaullistes. Ils étaient donc aux États-Unis et gaullistes. Ils avaient mis un homme de paille, un certain Amiot, constructeur très connu d'aéronautique. Et le problème d'Amiot, c'est qu'il était vu par les autorités occupantes. Il était vu comme un homme de paille au service des Wertheimer, c'est-à-dire n'aidant pas à l'arianisation. Et d'autre part, il vendait des avions aux Allemands, à Göring. Ça est un petit peu compliqué. On n'a pas tellement le temps de rentrer. Oui, pardon, parce qu'en fait, ces 300 pages-là sont passionnantes. Et finalement, disculpe Chanel, si on regarde bien, puisque de fait, elle a rien fait. Bon, toujours est-il que sa maison qu'en 1953. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Alors, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'on a dit qu'elle était une espionne nazie. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et c'est un livre qui a fait beaucoup de bruit quand il est sorti et qui a voulu montrer que, avec une simple immatriculation, elle avait été immatriculée parce qu'elle pouvait, elle pouvait éventuellement, selon l'occupant, rendre peut-être un jour des services parce qu'elle était proche des Anglais. Donc elle s'est retrouvée immatriculée, elle était proche de Churchill, ils l'ont immatriculée à son insu. Et moi, j'ai retrouvé des documents qui n'étaient pas déclassifiés, mais qui sont des documents des services secrets, de ceux qui l'ont immatriculée et qui disent qu'elle n'a jamais rien fait et qu'ils l'ont immatriculée pour grossir les chiffres ou parce qu'elle pouvait être utile. Et ensuite, ils ont enlevé son immatriculation peu après, d'ailleurs. Donc tout ça était très grossi pour en faire une espionne nazie. Alors, 1953, elle revient... Beaucoup trop bavarde. Elle revient donc comme couturière de sa propre maison. Au début, ça se passe pas très bien pendant les deux premières années. Il y a ce passé qu'on lui reproche. Et puis qu'elle, sa mode n'est plus du tout la mode New Look de Dior, de tous ceux qui, entre-temps, sont sur le devant de la scène. Donc, elle a l'appui des Wertheimer pour ouvrir la maison. En 1954, elle est très mal accueillie. Elle rouvre la maison en 1953. En 1954, il y a la première collection. Elle est littéralement assassinée par les critiques. Par contre, aux États-Unis, on l'encense. comme toujours, puisque c'est finalement les États-Unis qui l'avaient encensée au début. Ensuite, elle redevient la grande Chanel qui crée les indémodables ensuite, puisqu'il y aura ce fameux tailleur, le sac matelassé, les chaussures bicolores, enfin, tous les signes que tout le monde connaît bien. Mais pour vous dire à quel point il y a eu un acharnement sur elle, c'est sidérant. Là, je voyais elle est inscrite sur la liste noire dressée par la résistance, soi-disant. Et en fait, c'est pas Chanel, c'est Chemel, c'est un monsieur Chemel. Mais après, tout ça est repris en boucle. D'accord, merci beaucoup, bon, Isabelle. Pardon Fimier. Je suis trop passionnée, je pense, pas par le sujet. Pas du tout, on adore les invités les plus passionnés, mais surtout, on renvoie nos auditeurs pour en savoir plus sur tous vos livres, notamment sur Chanel, l'énigme publiée chez Flammarion, et également Chanel Intime chez le même éditeur. Tout de suite, c'est en compagnie des revues. La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et aujourd'hui en compagnie d'Alexis Broca du Nouveau Magazine Littéraire. Bonjour à vous Alexis. Bonjour Mathieu, bonjour Isabelle. Ravi de vous retrouver. Vous venez nous parler de votre numéro de janvier. Oui, je vais vous parler de ce premier numéro de l'année 2020 qui s'intéresse aux 10 penseurs les plus influents dans le monde. Alors pour construire cette liste, Patrice Bollon, qui a édifié ce dossier, s'est fondé sur des données chiffrées. Les données de la bibliométrie qui recense les occurrences des noms des philosophes dans les revues les plus réputées. Seulement, cette méthode a aussi ses failles, donc il fallait la pondérer. Et on l'a pondérée par des éléments plus subjectifs qui nous ont permis d'intégrer des philosophes méconnus en France. Voilà. Alors, dans cette livre, on trouve bien sûr des figures de la pensée contemporaine déjà bien connues, comme Alain Badiou, Slavoj Žižek ou Judith Butler, mais on s'efforce de livrer sur eux des éclairages qui dépassent notre première idée d'eux. Par exemple, nous connaissons aujourd'hui Badiou presque caricaturalement, selon son engagement à l'extrême gauche. Mais Badiou, nous explique aussi Patrice Bollon, c'est celui qui aura incité la philosophie à renouer avec sa mission première, c'est-à-dire à réfléchir au fondement ultime de notre pensée et à revenir à ce qu'on nomme la métaphysique, ce mot qui avait été déconsidéré par deux siècles de kantisme, de positivisme et de postmodernisme. Et de même, aujourd'hui, on parle beaucoup de Judith Butler et de sa théorie du genre et de sa supposée radicalité, cette théorie du genre qui nous explique que les genres masculins et féminins seraient des constructions qui passent par le langage et la culture. Et vous le savez, cette théorie a donné lieu à de multiples polémiques. Et Patrice Bollon, lui, nous incite à séparer dans les propositions de Butler ce qui relève de l'analyse ou du constat et les conclusions parfois outré qu'on a pu en tirer. Et ainsi, écrit Patrice Bollon, l'idée de genre forme alors un apport décisif à la compréhension psychosociale de nos collectivités. Alors, aux côtés de ces philosophes dont les noms sont parvenus jusqu'au grand public, vous en avez choisi d'autres, tout aussi importants, mais peut-être un peu moins connus en France. Oui, par exemple, l'Américain John Searle, qui travaille sur le langage et sur la façon dont le langage peut chercher à conformer le monde aux mots et non plus à le dire véritablement. Ou encore le britanno-ghanéen Kwame Anthony Appiah, qui enseigne à l'Université de New York. Alors lui, c'est un philosophe anglo-saxon qui est un spécialiste de la philosophie analytique. Et il s'est intéressé à l'éthique et à plusieurs thèmes d'actualité, par exemple la question de l'identité. Selon Kwame Anthony Appiah, les identités doivent être maintenues. Pour lui, il n'y a aucun problème à ce que chacun ait, comme lui, plusieurs identités. Et il croit aussi à la possibilité de sociétés où existent des différences ethniques assumées sans que cela ne nuise à leur unité. Selon lui, nous pouvons vivre ensemble sans avoir besoin d'une religion commune ni d'ancêtres communs. Bref, c'est un universaliste tempéré qui défend la religion, mais toutes les religions qui sont pour lui des points de vue singuliers aptes à enrichir ceux des autres. Bref, une lecture salutaire. Eh bien, merci beaucoup, merci Alexis Mathieu. Broca. On retrouve donc votre signature dans le Nouveau Magazine Littéraire, ce numéro-là, mais aussi tous les autres, il faut bien le dire. C'était la compagnie des œuvres. Hélène Rivière, Laurence Millet, Laurence Genepin, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault et Ludovic Auger. Demain, dernier épisode sur ces années folles que nous célébrons depuis deux semaines. Olivier Saillard nous parlera de Chanel, mais cette fois dans le contexte de la mode des années 20. On ira voir aussi évidemment ce qui se passe un peu avant et un peu après cette période pour essayer de mieux la saisir. Tout de suite sur France Culture, les sciences.